ça que je vois le soleil. C'est comme ça que je ressens la pluie. C'est comme toi, c'est un peu comme je suis. C'est comme ça, c'est comme la vie. Des matinées claires et des jours gris. C'est comme ça, ce que nous sommes aussi. Les silences comme les cris nous réveillent parfois tard dans la nuit. C'est comme ça, c'est comme un moindre bruit. C'est comme ça que je vois Jupiter. C'est comme ça que j'aimerais voir. C'est comme ça que je m'enfuis, comme une plume déposée sur le lit. C'est comme ça, c'est comme un moindre bruit. Les silences comme les cris nous réveillent parfois tard dans la nuit. C'est comme ça. Je vois le soleil. C'est comme ça que je ressens la pluie. C'est comme toi, c'est un peu comme je suis. C'est comme ça et c'est ainsi. C'est comme la vie.